passait, sauf pour ses lèvres aiguisées à la sanguine lettre assurée. Regarde une fille aux yeux serrés, regarde torpille croiseur couler dans l'eau du lac qui reflétait le feu du phare de l'autre côté. Regarde une fille aux yeux serrés, la seule caresse. Le frisson d'une dent.